Bien, première question. Rien ne se perd, rien ne se crée. Est-ce à dire que toutes les âmes existent déjà et qu'il n'y a plus de nouvelles entités en ce monde, qu'il n'y a plus de nouvelles créations? Alors ça c'est une question intéressante. La question de la préexistence des âmes ou de la création des âmes. Vous savez que si on se réfère à la tradition religieuse, parce que quand on prend le mot âme, on se réfère à une tradition religieuse. Si on se réfère à la tradition religieuse, il y a eu différentes pensées. Très longtemps, on a cru chez les pères de l'Église qu'il y avait préexistence de l'âme. Lisez les textes d'Origène, qui a été un des pères de l'Église fondamentale. Eh bien, Origène dit ceci, qu'il y a donc préexistence des âmes, c'est-à-dire qu'avant de s'incarner, l'âme existe déjà. Il y a eu tout un courant un bout de temps qui a prétendu que l'âme était créée au moment où l'homme s'incarnait. Maintenant, il y a le problème qu'on a soulevé tout à l'heure, âme, corps et esprit. Alors, vous savez que les patriarcats orthodoxes, l'Église orthodoxe a conservé la Trinité parce qu'au départ de la religion chrétienne, il y avait corps, âme et esprit, comme il y a dans toutes les traditions, que ce soit ésotérique ou religieuse ou philosophique ou mythologique. Il y a toujours la Trinité. Pour des raisons plus ou moins obscures, l'Église catholique a un jour détruit cette trinité en considérant que désormais il y aurait une dualité, c'est-à-dire qu'il y aurait le corps et l'âme. On a laissé tomber l'aspect de l'esprit. Maintenant, il faut comprendre ceci. Le corps, c'est ce que l'on voit, c'est-à-dire corps physique, éthérique, astral et mental, c'est la personnalité. L'esprit, c'est l'étincelle divine qui vient de la source originelle, du père originel, et qui est descendue dans ce corps en Atlantide. Cette étincelle divine est éternelle, elle vient de la conscience universelle et elle s'est revêtue de trois voiles que les orientaux appellent le corps atmique, le corps bouddhique et le corps causal. Ça, c'est l'esprit. L'âme, c'est le résultat que crée, que génère ce corps atmique sur le corps physique. Hein? Lorsque le corps atmique s'unit au corps physique, l'esprit transforme la matière. Qu'est-ce qu'il fait l'esprit en réalité? Il respire la matière. C'est-à-dire qu'il prend la matière et il la décompose progressivement. Il la décompose et il en tire l'énergie. Comme dans notre digestion, lorsqu'on avale un aliment, les enzymes vont le couper en petits morceaux et éventuellement le mécanisme de digestion va s'opérer de telle sorte que l'on va retirer l'énergie des liens qui existaient entre les molécules et entre les différentes structures atomiques. Eh bien, de la même manière, l'esprit broie, si l'on veut, sur la meule de la destinée, broie le corps. Chaque partie de l'esprit triple va broyer chaque partie de la personnalité triple et va tirer donc cette énergie. Ça, c'est l'âme. L'âme, c'est l'énergie, le résultat de toutes les expériences que l'esprit a vécues dans son corps et qui devient un potentiel d'énergie. C'est pourquoi on peut perdre son âme. C'est pourquoi l'âme peut mourir. C'est-à-dire que dans certains cas, il y a une séparation entre l'esprit et le corps et il y a destruction progressive de l'âme. Alors on peut perdre son âme, on peut vendre son âme aux puissances des ténèbres. C'est facile. Il y a des rites qui permettent de vendre notre âme, c'est-à-dire de donner tout ce que dans les incarnations antérieures on a accumulé comme énergie dans le mécanisme de transformation de la matière par l'esprit. On peut remettre cette énergie au profit d'une entité négative ou d'une entité positive. C'est ce qu'on appelle vendre son âme. Donc, l'âme, ça peut se vendre. C'est une simonie extraordinaire, mais ça peut se vendre. Et l'âme peut aussi se perdre. L'âme peut mourir. Alors, vous avez trois niveaux. Alors, la question qui était posée autour de la préexistence de l'âme, c'est sûr qu'un homme qui s'incarne a une préexistence de l'âme, c'est-à-dire qu'il traîne avec lui d'incarnation en incarnation toute l'énergie, toute l'expérience, toutes les leçons qu'il a accumulées par le travail de l'esprit sur ses corps depuis que, à tout le moins, l'esprit est branché sur le corps en Atlantide. Donc, tous les hommes qui s'incarnent aujourd'hui ont une âme. Maintenant, la question, c'est pas ça. C'est pas ça qu'elle visait. La question, elle visait l'esprit. Est-ce que l'esprit existe, hein, depuis toujours? Est-ce qu'il y a des nouveaux esprits qui s'incarnent? Eh bien, sur la planète Terre, il y a un certain nombre, un certain milliard d'esprits, un certain nombre de milliards d'esprits qui ont à évoluer en tant que conscience humaine. Il y en a pas plus aujourd'hui qu'il y en avait il y a 3000 ans, et il y en aura pas plus dans 3000 ans futurs. Ce qui se produit, c'est ceci. Il y a des vagues d'incarnation. C'est-à-dire que dans l'évolution de la planète, il y a des phases plus tranquilles et il y a des phases plus agitées. C'est-à-dire, il y a des phases où on n'a pas besoin de s'incarner trop souvent parce que ça va lentement. c'est notre passé. Le passé de la Terre est un passé de personnes très lentes. Bon. Actuellement, le mécanisme s'accélère, de telle sorte que ce que l'on vit aujourd'hui dans 10 ans, comme progrès scientifique, comme expansion de la conscience, on l'aurait vécu dans 1000 ans autrefois. Ce qui fait que il y a de nombreuses occasions actuellement d'apprendre des leçons. Alors, tous les esprits qui gravitent autour de la Terre, qui ont besoin de la Terre comme lieu d'incarnation pour poursuivre leur évolution, tous ces esprits qui gravitent autour de la Terre et qui voient qu'il y a des occasions de travailler, des occasions de servir, des occasions d'apprendre, eh bien, ces esprits veulent s'incarner et ils s'incarnent en masse. Et c'est pourquoi, aujourd'hui, on a une population terrestre qui est beaucoup plus importante qu'elle ne l'était dans certaines phases du passé. Pas dans toutes les phases, dans certaines phases du passé. Dans les phases cruciales, là, il y a dans les fins de cycle, il y a une incarnation massive. Les esprits se massent aux portes de l'incarnation, comme dit mon ami poète Aimé André. Les esprits se massent aux portes de l'incarnation, veulent justement prendre un corps et utiliser les expériences qui sont dans cette ère, qui sont dans cette époque, qui sont dans ce pays, qui sont dans cette nation. Bon. Alors, les esprits existent. Maintenant, la question de la préexistence ou non de l'esprit, c'est ceci. Vous allez me dire, oui, mais à un moment donné, ces esprits ont été créés. Quand est-ce qu'ils ont été créés? Et puis là, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de neuf? Bon, c'est tout le problème qui existe entre la création et l'émanation. Vous remarquerez qu'en ésotérisme, on parle d'émanation. Les kabbalistes parlent d'émanation. Pour les kabbalistes, l'arbre des séphirotes n'a pas été créé. C'est Keter qui a en quelque sorte émané Hokma, Bina, etc. C'est des émanations pures. C'est quelque chose qui sort de soi, mais qui est pas quelque chose de neuf, qui est pas quelque chose qui apparaît du néant, qui apparaît du vide. Alors les esprits n'ont pas été tirés du vide. Ça, c'est totalement faux. L'univers n'a pas été tiré du vide. Lorsque la planète a été, disons, entre guillemets, créée par le dieu de notre système solaire, cette planète n'a pas été tirée du vide comme ça, par une chiquenaude. Lorsque le dieu de notre système solaire a créé la planète, il a tiré cela de l'espace. Il a tiré ça de la matière primordiale. Hein? De la matière primordiale, le double esprit créa le double ciel, nous dit le texte de la Genèse, qu'on a traduit par Dieu créa le ciel et la terre. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Si on l'interprète d'une certaine manière, le texte hébraïque nous dit que c'est de la substance primordiale que le Créateur a tiré quelque chose. C'est-à-dire que il y avait dans l'univers autrefois uniquement, si on veut, l'aura de la divinité. C'est-à-dire tout ce que la divinité dans les existences antérieures, alors qu'elle avait été minérale, végétale, animale, humaine, archangélique, etc., lorsque elle est devenue divinité créatrice, elle a étendu son aura dans un espace de l'univers. Et c'est de cette aura même, c'est-à-dire du tissu de toutes ces expériences, qu'elle a façonné une planète, qu'elle a façonné une autre planète, un autre être. Et de la même manière, l'esprit a été généré de cette façon. C'est-à-dire que de l'esprit éternel, de la masse centrale, a été différencié des étincelles de lumière que sont les êtres humains. Mais ces étincelles de lumière différenciées, elles ont été différenciées en Dieu, ou en cet être primordial, non pas à l'extérieur de cet être primordial. Ça, c'est très important. Alors, dans ce sens, il n'y a pas plus d'esprit qu'il y en avait au début de la création, parce que l'esprit est universel, l'esprit est absolu. Vous avez beau faire des petits esprits différenciés en vous-même, c'est toujours le même esprit. C'est une illusion, la différenciation, si on veut. Parce que, à la limite, tout est un. Dans ce monde. Alors, il y a ces étincelles quand même qui sont générées et qui font partie. On pourrait prendre une image, hein, prenez un feu qui exhale des étincelles. Mais ces étincelles qui sortent du feu, c'est pas quelque chose de créé, ça vient du feu. C'est une partie, c'est une parcelle. Mais en plus, il faut que vous ajoutiez que c'est en ce feu même. Alors que le feu donne idée que les étincelles quittent, vont vers l'extérieur, c'est en Dieu que se différencient les esprits. Donc, les esprits ne sont pas créés. Les esprits individuels sont le résultat de l'énergie, disons, collective, de la conscience collective de la divinité de notre système solaire. Parce que plus on évolue, plus on devient une conscience collective et non plus individuelle. C'est-à-dire que par la loi d'amour, qu'on verra dans 2 semaines, on réunifie toutes les choses à nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on crée un champ unitaire, mais collectif. C'est-à-dire l'union de plusieurs choses, de plusieurs entités. Alors, le Dieu qui a créé notre système solaire, c'était un être collectif. C'est-à-dire un être en qui déjà il y avait une multitude, des myriades d'entités de hiérarchie, et elles n'ont été que différenciées en elles-mêmes, ce qu'on appelle les esprits vierges, etc., et ça a formé les êtres humains. Les êtres humains n'ont pas été créés, les êtres humains ne sont que une différenciation en cette énergie, une différenciation en ce Dieu primordial. Alors, il n'y a pas ni commencement ni fin, il n'y a pas d'énergie supplémentaire, il n'y a rien de créé, il n'y a rien de perdu. Tout se transforme, tout à l'intérieur de cette divinité prend des formes, des visages qui sont différents. Quand vous dites qu'il faut donner pour recevoir, quel est le bon équilibre de la circulation de l'énergie sexuelle? On revient là-dessus. Bon, l'énergie sexuelle, d'abord, il faut savoir une chose. L'énergie sexuelle, c'est pas seulement physique. L'énergie sexuelle, c'est pas seulement éthérique au niveau des chakras. L'énergie sexuelle, c'est aussi astral, c'est aussi mental. C'est-à-dire qu'il y a une sexualité de toute la personnalité. La sexualité, c'est la loi d'univers aussi. C'est-à-dire que la sexualité, c'est la force de création. Et la force de création, elle s'exprime partout. Hein? Et cette force de création, eh bien, pour qu'il y ait un juste équilibre, eh bien, vous pouvez la manifester de différentes manières. C'est-à-dire que l'énergie sexuelle, la force sexuelle en nous, elle va être éveillée et elle va passer, elle va descendre de ce qu'on appelle le Saint-Esprit. L'homme va pouvoir concevoir du Saint-Esprit lorsqu'il va aussi créer ce mouvement. C'est-à-dire lorsqu'il va être capable d'envoyer son énergie sexuelle vers l'extérieur. Bon. Mais cet envoi de l'énergie sexuelle vers l'extérieur peut prendre différentes formes. Et notamment peut prendre la forme de la parole, comme je le répète toujours. Et personnellement, je considère que le meilleur moyen d'établir la descente, la pénétration du Saint-Esprit, que toutes les religions attendent, hein. Regardez les religions, lorsqu'ils ont leurs ordinations au presbytériat ou bien à l'épiscopat, ils disent « recevez le Saint-Esprit ». Et qu'est-ce que le Nazaréen a promis à tous ses disciples? C'est qu'il recevrait le Saint-Esprit. Et qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, des êtres tout tremblants, qui avaient peur des Juifs, qui étaient cachés, qui tremblaient comme des feuilles lorsque quelqu'un frappait à la porte, hein? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, ces gens-là sortent dans la rue, parlent, et que des gens de Thèbes, des gens de Grèce, des gens de ci, de telle et telle région, entendent les disciples dans leur langue, les comprennent très, très correctement, et que ces gens n'ont plus peur des Juifs, n'ont plus peur de persécution. Et ils vont même jusqu'au don suprême de leur personnalité, jusqu'à être crucifiés, martyrs, etc. C'est parce que le Saint-Esprit est passé. C'est-à-dire que l'énergie sexuelle, c'est le Saint-Esprit. Quand on conçoit du Saint-Esprit, c'est cette énergie créatrice qui est en nous. Parce que le Saint-Esprit dans le système solaire, c'est le troisième aspect de la divinité. C'est l'aspect créateur. Et ce que l'on considère lorsqu'on parle en ésotérisme du Saint-Esprit, c'est cette énergie sexuelle. Alors, regardez ce que la religion a fait du Saint-Esprit et regardez ce que on fait de la sexualité et comparez. Vous allez avoir deux méthodes différentes d'exprimer la sexualité, qui amènent des résultats différents. C'est-à-dire, si vous activez en vous, hein, les dons de l'Esprit Saint, parce que la religion appelait autrefois les dons de l'Esprit Saint, ce qu'en ésotérisme on va vous appeler aujourd'hui des lois cosmiques ou une alchimie de l'être, eh bien, c'est la même chose. Eh bien, si vous manifestez ça, vous allez créer, vous allez donner. Vous allez donner par le don de conseil, par le don d'intelligence, par tous ces dons du Saint-Esprit, vous allez manifester cette énergie sexuelle, mais transmuter, transcender au niveau de la parole, et là, vous allez recevoir en même proportion. Cet équilibre, il ne peut s'opérer que dans la mesure où vous êtes capable d'extérioriser cette énergie sexuelle. Alors, le danger, c'est que cette énergie sexuelle, en soi, ne vive pas ce principe du mouvement. C'est-à-dire, c'est par exemple de vouloir s'imposer, comme on l'a dit dans plusieurs conférences sur la sexualité, s'imposer une doctrine rigoureuse de chasteté et ne pas faire sortir cette énergie sexuelle là par quelque part ailleurs. Hein? Et certains conférenciers disaient, ça sort à partir de ce moment-là par les oreilles. C'est tout à fait juste. D'ailleurs, les oreilles ont un lien direct avec la sexualité. Mais ce qui est important, c'est ça. C'est-à-dire que lorsque on prend conscience que l'énergie sexuelle en nous, c'est une énergie, qu'elle doit avoir un mouvement, ben là, il faut réaliser ceci. Ou bien on l'utilise au niveau de la sexualité génitale, bon, ça fait un certain effet, ça fait un certain travail dont on a parlé, sur lequel je reviens pas, ou bien on l'utilise moins là-dessus, mais faut l'envoyer ailleurs. Et c'est là le problème. Parce que si vous vous renfermez sur vous-même, que vous devenez une espèce d'ermite et que vous n'extériorisez pas l'énergie sexuelle, vous allez devenir fou. Vous allez avoir des hallucinations. Vous allez avoir des problèmes biologiques. Vous allez avoir des organes qui vont cesser de bien fonctionner parce qu'il va y avoir des congestions d'énergie tout au long des chakras, tout au long de votre structure. Donc, il faut la manifester. Et une façon d'amener cette harmonie, c'est par exemple par tout ce que on a attribué au Saint-Esprit, c'est-à-dire à ce pouvoir créateur en l'homme, ce pouvoir de descendre de l'énergie christique, ce paraclète, celui qui est envoyé l'Esprit consolateur, celui qui amène véritablement une lumière qui permet à l'homme de transférer cette lumière vers l'extérieur. Comment peut-on savoir que l'on a pris assez d'énergie tellurique? Bon, d'abord, ce sont des exercices qu'il ne faut pas faire à la légère. Moi, j'en ai parlé tout à l'heure en dînant à une amie qui est acupuncteur et qui se sentait bon dans une phase où elle était complètement vidée d'énergie parce qu'évidemment, la profession médicale, la profession d'acupuncture, ça fait en sorte qu'elle est obligée de transférer beaucoup d'énergie à ses patients. Et là, je lui ai dit, dans certaines conditions, de façon... Bon, je lui ai donné certaines positions à faire, etc. Je lui ai dit, attention, dans la mesure où tu vas recevoir, il faut que tu donnes dans les mêmes proportions. Ben ça c'est en quelque sorte un exercice qui est assez difficile à doser. C'est pourquoi il faut pas trop donner ce genre d'exercice là publiquement sans que les gens soient préparés. Parce que bon, admettons qu'on est vraiment dans une phase où on est en manque d'énergie. Bon, c'est normal qu'on se recharge d'une certaine manière. On peut se recharger par des visualisations, des concentrations, on peut se recharger par certains exercices qui puissent le telluriste de la Terre. Mais lorsqu'on puise le telluriste, on va sentir une présence, on va sentir une force. Après avoir fait cet exercice, vous allez vous sentir dynamisé. 10 minutes de cet exercice, vous vous sentez en énergie, vous êtes prêt à poursuivre votre travail. Mais là, ça va être de vous observer. C'est d'être capable... Si vous vous sentez rechargé par une méthode ou par une autre que vous avez apprise, c'est d'être capable, dans cette même dimension, d'utiliser cette énergie, de la brûler, cette énergie. Alors, sinon, vous allez engraisser. Hein, c'est le même principe que manger. Manger, c'est pas un problème. Mais si vous mangez puis vous faites rien, vous allez avoir un problème. Eh bien, de la même manière, si vous captez des énergies telluriques et vous les distribuez pas vers l'extérieur, vous allez avoir un problème d'engorgement de l'énergie. Et cet engorgement de l'énergie, il est très puissant dans le sens où vous allez avoir des problèmes psychiques. Alors, ce que l'on peut discerner, donc, dans cela, ce sont des choses très simples. C'est-à-dire que vous faites pas cet exercice-là avant d'aller vous coucher. Ça fait pas de sens. Vous allez pas dormir la nuit. Vous allez être complètement énergisé. Il faut que vous vérifiez. C'est-à-dire que vous preniez comme idéologie que vous n'utiliserez pas ça uniquement pour vous-même. Bon, vous vous rechargez là parce qu'il faut bien que vous marchiez, mais que vous allez utiliser cette énergie-là pour les autres. Et il faut, après votre exercice, que vous visualisiez cette énergie qui est irradiée vers l'extérieur, vers une personne en particulier, ou vers la planète, ou vers, bon, quelque chose, un drapeau si vous travaillez pour un pays. Hein? Bon, alors vous irradiez cette énergie vers ces choses extérieures, et de cette manière vous allez sentir aussi, vous allez sentir une sensation de mouvement à l'intérieur de vous-même. Vous allez sentir une sensation de légèreté. Si à un moment ou à un autre vous vous sentez lourd, si à un moment ou à un autre vous commencez à sentir des pressions à l'intérieur. Bon, comme ces boules dans la tête, comme ces masques qui se créent à l'intérieur du corps, là, vous savez que vous avez été trop loin. Mais moi, je vous recommande pas d'user ces techniques-là, à moins de savoir d'avance ce que vous allez faire comme travail. À moins que vous soyez un thérapeute, que vous ayez des fonctions comme ça, que vous sachiez vous redynamiser magnétiquement par une nourriture, une alimentation équilibrée, des choses du genre. Autrement, il y a des dangers. Surtout que c'est de l'énergie tellurique. Hein. L'énergie tellurique, c'est une énergie matérialisante, physicalisante. Alors c'est bon, il faut garder une certaine forme au niveau physique, au niveau terrestre, mais surtout pas, ce n'est surtout pas la seule source d'énergie. Il est beaucoup plus préférable de capter les énergies célestes. Par exemple, la technique que je vous ai montrée par le chakra frontal. Mais si vous faites ça, et puis que vous ne faites pas circuler l'énergie, radier l'énergie vers le sol, vous allez aussi devenir tout déséquilibré. Alors, que ce soit céleste ou terrestre, il y a un déséquilibre. Mais lorsque c'est tellurique, c'est encore plus puissant. Parce que ça vous matérialise, ça vous cristallise, ça vous densifie. Ce ne sont donc pas des exercices qu'il faut faire d'une façon répétée. Ce sont des exercices qu'il faut faire dans des cas critiques, lorsqu'on a vraiment besoin d'une énergie et que c'est vraiment pour donner. Parce que si vous vous servez, je vais terminer là-dessus, si vous vous servez du tellurisme, seulement pour vous recharger, pas dans une optique d'aller, par exemple, vers un patient après pour le guérir ou d'aller vers un autre individu pour lui transmettre quelque chose, qu'est-ce que vous allez faire? Eh bien, vous allez vous recharger d'énergie, mais d'une manière égocentrique. Comme l'énergie tellurique est elle-même égocentrique, matérialisante, vous allez vous matérialiser. Vous allez vous densifier, vous allez augmenter votre égocentrisme, tous les courants d'énergie qui tournent vers vous-même. Et là, vous allez avoir des problèmes. C'est pourquoi il ne faut jamais enseigner des techniques de la captation du tellurisme avant que les gens soient des donateurs. Parce que si on n'est pas des donateurs, si on court-circuite pas la personnalité en donnant, soit dans une profession médicale, c'est l'exemple que je conserve, eh bien à partir de ce moment-là, c'est très dangereux de se charger d'énergie tellurique. Une personne qui fait de la télépsychie et qui s'en sert pour soutirer de l'argent au sien, que faut-il faire pour lui faire comprendre qu'elle fait mal et risque un choc en retour? Bon, d'abord, évidemment, ça dépend de la personne. Mais il y a une chose qui est certaine, c'est que cette personne qui se sert, d'une chaîne télépsychique ou qui se sert elle-même d'un pouvoir télépsychique, elle peut, surtout quand c'est une chaîne télépsychique, c'est plus grave sur le plan karmique, elle peut justement aller soutirer de l'argent autour d'elle-même, c'est-à-dire elle est capable de vampiriser des gens. Bon. On peut pas faire comprendre à une personne qui est dans un certain état de conscience, qui croit que c'est juste, on ne peut pas lui faire comprendre. C'est pourquoi il y a la loi. Qu'est-ce que la loi va faire? Elle va créer ce que vous appelez le choc en retour. C'est-à-dire qu'à un moment donné, lorsqu'elle aura suffisamment soutiré de l'argent auquel elle n'avait pas le droit, qu'est-ce qui va se produire? Eh bien, elle va recevoir le choc en retour, c'est-à-dire qu'elle va avoir le contre-choc, l'oscillation contraire du phénomène. Et là, à partir de ce moment-là, elle va vivre une expérience de souffrance qui va la ramener vers la loi. Qu'est-ce que vous voulez? On ne peut pas enseigner aux criminels de ne pas être criminels. La loi, elle est là pour ça. Elle est pour les criminels. Hein? La loi, si on pouvait faire comprendre à une personne qu'elle n'est pas correcte, on n'aurait pas besoin de la loi. La loi, elle est là pour que les gens qui comprennent pas finissent par comprendre en leur tapant dessus. Alors, la personne qui parle la télépsychie vampirise les autres, sur le plan de l'argent ou sur le plan de l'énergie biologique ou etc., elle va subir le choc en retour, elle va subir la contrepartie de ses actes, et c'est là qu'elle va apprendre. Donc, on n'a pas le choix de la laisser aller. Évidemment, on peut la rencontrer, on peut lui dire, écoute, ce que vous avez dit, il va y avoir un choc en retour, c'est pas normal de vampiriser les autres, c'est pas normal d'attirer les choses à soi, la loi est de transmettre. Mais vous pouvez simplement dire ça. Après ça, qu'est-ce qui va se passer? C'est la conscience elle-même qui va se développer. Si cet individu dans des existences antérieures a été soumis à des mêmes expériences, elle a développé dans les phases de l'après-mort une certaine conscience. En lui disant ça, ça peut être suffisant pour que, hop, elle se dise, oui, c'est vrai, il faut que j'arrête ça. Qu'elle comprenne comme ça, comme un flash. Parce qu'elle a vécu des expériences antérieures. Si elle n'a pas vécu des expériences antérieures, c'est inutile d'essayer de lui faire comprendre. Essayez donc de faire comprendre à quelqu'un qui n'a pas touché le feu, qui va se brûler en touchant le feu. C'est inutile. Bon, c'est de la même manière, l'homme a pris une voie. L'homme aurait pu évoluer par la sagesse. Il a pris la voie de la souffrance. Il a pris la voie de l'errance, de l'erreur. Il a pris la voie de la loi. Alors, il est soumis à la loi et c'est la loi qui le ramène sur le droit chemin. Alors, l'homme n'est pas capable encore de vivre par la sagesse. C'est-à-dire que l'homme n'est pas encore capable de recevoir la sagesse et de l'accepter sans l'avoir expérimenté. Et si vous, aujourd'hui, vous êtes capable de comprendre qu'on ne peut pas vampiriser quelqu'un, c'est pas probablement parce que dans votre propre existence, dans des existences antérieures, vous avez vécu des phénomènes semblables, vous avez été confronté au même phénomène et vous avez appris la leçon. Alors, vous n'êtes pas supérieur à cette personne. C'est simplement que vous avez appris cette leçon-là avant elle, alors qu'elle a appris d'autres leçons avant vous. Alors, si simplement en lui parlant gentiment de ces questions, elle comprend, c'est que sa conscience est suffisamment développée et elle peut faire un travail. Si elle ne comprend pas, il n'y a rien à faire. Il faut la laisser aller, il faut la laisser se brûler. Quand elle se sera brûlée, elle va comprendre, elle va retourner vers les lois de la lumière. C'est pourquoi il faut pas imposer rien. C'est pourquoi il faut pas bouleverser la maison du fort, même si ce fort est un injuste. Selon nous, il faut le laisser aller dans sa propre vibration, et la loi s'occupe de le ramener à la bonne place. Donc il faut pas imposer ses vues, etc. Il faut les présenter. Si elles sont reçues, c'est bien. Hein, regardez, moi, je me réfère toujours aux Nazaréens parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, je suis dans cette vibration Rose-Croix. Et pour la Rose-Croix, l'essentiel, c'est l'ésotérisme christique, la supramentalisation de l'homme. Eh bien, le Nazaréen avait dit ceci, « Je vous envoie dans le monde, bien que vous ne soyez pas du monde. » Ça, c'est nous. Hein? On n'est pas du monde, c'est dans tous les sens de l'expression. Et on est envoyé dans le monde. Ça, c'est essentiel. On est envoyé dans le monde. Et puis, le Nazaréen dit ceci, « Allez dans une ville, frappez dans une maison de gens respectables. Si on vous reçoit, entrez là, mangez, tout ouvrier a droit à son salaire. Vous mangez, vous restaurez, etc. Si la personne vous dit, non, on veut rien savoir de tes enseignements. Le Nazaréen n'a pas dit, essayez de les convaincre, essayez de les ramener à la voie de la lumière. Bon, c'est pas ça qu'il a dit du tout. Il a dit, bon ben, retirez-vous, hein, secouez vos sandales, la poussière de vos pieds, et allez-vous-en. Mais cette ville, ces gens qui ne vous auront pas reçu, c'est-à-dire qui n'auront pas reçu la lumière, vont avoir un sort beaucoup plus pire encore que celui de Babylone. Vont avoir un sort beaucoup pire encore que Sodome et Gomorre. C'est les expressions qui sont dans le texte sacré, dans le texte biblique. Ils disent, eh bien, cette ville sera dans une pire situation que Sodome et Gomorre. Mais vous aurez secoué vos sandales. Mais c'est ça qu'il faut faire. Qu'est-ce que ça veut dire secouer ses sandales? Ça veut dire détacher la poussière qu'on a aux pieds. C'est-à-dire ne pas tenir compte, ne pas tenir rigueur du mal de la personne. Ça veut dire se libérer de ce karma. Si en voulant entrer chez quelqu'un, bon, si en voulant convertir cette dame qui vampirise les autres autour d'elle, vous entrez en lutte avec elle et que vous commencez à avoir des sentiments un peu négatifs envers elle et que vous entamez une relation d'opposition. Qu'est-ce qui va se produire? Vous allez développer des liens karmiques qui fait que tôt ou tard, vous allez devoir vous réconcilier avec cette entité-là. Dans une existence antérieure, ce sera elle qui sera votre mère ou vous serez le fils, etc. Vous vous retrouverez avec cette personne pour récupérer la relation et pour réharmoniser les choses. Mais si vous secouez la poussière de vos pieds, ça veut dire que vous mettez en branle une loi qu'on va voir dans 2 ou 3 semaines à travers une autre loi qui est la loi du pardon. C'est-à-dire que vous êtes capable de dire, bon, cette personne, elle ne comprend pas ce que j'ai à lui transmettre, c'est pas grave. Et rester en bon terme avec elle. Ne pas établir de lien karmique avec elle. Secouer la poussière de vos pieds, c'est-à-dire ce qui pourrait s'attacher à vous et qui fait partie des ténèbres, c'est-à-dire qui fait partie des bêtes oppositions qu'on peut avoir avec un individu. Quand on comprend pas que cet individu, c'est la lumière, mais sous une apparence plus ou moins antipathique. Eh bien, si on est capable de faire ça, là, il n'y a pas de problème. Eh bien, c'est ça. C'est exactement ça que l'ésotériste doit faire. Il doit aller vers les gens, il doit leur transmettre certaines clés. Pour ça, c'est une clé de cesser de travailler à ce niveau-là. Si ça va, si ça fonctionne, ça va. On travaille avec la personne. Si ça fonctionne pas, il faut savoir se retirer sans établir de relation karmique en se secouant les pieds, en se secouant la poussière de ses pieds. Et on continue notre chemin. Et on ne bouleverse pas ces gens. Et tôt ou tard, ces gens seront confrontés à la loi. Et là, ils paieront les dettes. Si une personne désire mourir, à quoi ça sert donc de prier pour elle? Où sont ses prières? Où vont ses prières? Bon, il faut comprendre qu'il se passe beaucoup de choses à ce niveau-là. Les gens qui sont, par exemple, qui ont des tendances suicidaires, etc. On peut voir ça de deux manières. On peut voir ça de manière légaliste. On va dire, cette personne qui a des tendances suicidaires, c'est ça qu'elle veut. Elle veut mourir, ben, qu'elle meure. Ça, c'est une façon légaliste. Hein. C'est ça qu'elle a voulu, c'est une personne qui s'est suicidée, par exemple, c'est ça qu'elle a voulu, c'est son choix, c'est son problème. Bon, puis c'est le problème éventuellement des gens qui sont autour. Ça, c'est la voie de la loi très stricte. À un autre niveau, on peut se dire ceci. Une personne est suicidaire. Hein. C'est parce que cette personne, elle a un problème. C'est-à-dire que cette personne ne comprend pas ce qu'elle est. Elle ne sait pas quel est ce maillon dont on a parlé tout à l'heure. Elle ne sait pas que si elle détruit ce maillon, elle casse la chaîne. Elle casse la chaîne. C'est-à-dire qu'elle casse cette circulation de la lumière. Donc, les prières ou les bonnes pensées que l'on peut envoyer à une personne suicidaire, c'est absolument essentiel. Dans le sens où on lui envoie pas des choses qui vont venir contre elle, pas pour lutter contre elle, comme dans l'exemple de tout à l'heure, mais on lui envoie de la lumière, de l'harmonie, de l'amour, de la paix. Des énergies qui sont des énergies de la lumière, qui sont des énergies de l'expression supérieure de la sexualité, si on veut. Eh bien, ces énergies, vous les envoyez vers cette personne. Parce que cette personne-ci, elle veut mourir, c'est qu'elle ne comprend pas le but de l'existence, et surtout qu'elle n'est pas en harmonie avec cette existence. Qu'elle n'est pas, elle pense qu'elle n'a pas pigé de bon numéro. C'est ça qu'elle pense. Eh bien, il faut lui faire comprendre que par, non pas par l'intellect, mais par une énergie spirituelle, lumineuse qu'on lui envoie, il faut lui faire comprendre qu'elle a le bon numéro. Hein? Et qu'il faut lui faire comprendre qu'elle a un chemin à faire, qu'elle a un travail à faire, qu'elle est importante. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on a dit aux gens qu'ils étaient pas importants. Les gens sont importants. Les gens ont une fonction capitale. Non, c'est pas un renflement d'ego que je fais là, en vous disant que j'ai une importance capitale dans l'univers. Tout le monde a une importance capitale dans l'univers. Chaque homme sur cette terre est très, très, très important. Parce qu'il est un de ces maillons de la chaîne. Mais ça, on n'a pas enseigné ça aux gens. On leur a pas enseigné ça. Et les gens croient qu'ils sont nés pour un petit pain, hein, c'est l'expression, qu'ils n'ont pas beaucoup d'importance, qu'ils sont une passion éphémère dans l'univers. C'est pas ça du tout. L'homme a une importance capitale. Et ça, il y a des gens qui peuvent le comprendre intellectuellement, ce sont les occultistes, ce sont les gens qui s'intéressent à l'ésotérisme. Il y a des gens qui ne le comprennent pas intellectuellement, éventuellement suicidaires. Et si vous leur envoyez ces pensées positives, ces pensées de lumière, là, ils vont le comprendre, mais intérieurement, à un autre niveau, pas de manière intellectuelle, pas en se posant des questions. Mais ils vont comprendre par cette énergie de bien-être qu'ils vont avoir. Parce que la plupart des gens suicidaires aujourd'hui, ou qui veulent mourir, ce sont des gens, d'abord, qui ne sont pas totalement responsables de leurs actes, c'est-à-dire qu'ils sont influencés par toutes les masses de pensées négatives qui sont autour de cette planète. Et nous, on a le devoir, en tant qu'être de la lumière, hein, c'est pas encore un renflement d'orgueil, en tant qu'être de la lumière, on a le devoir de transmettre cette lumière partout où il y en a un manque. Une personne qui est suicidaire, elle a un manque. Et si vous pouviez visualiser l'aura d'un suicidaire, vous vous rendriez compte que son aura est terne, son aura est noire, et qu'à certaines parties de son aura, il y a comme des trous. Il y a comme un espace tellement noir, hein, que ça apparaît à la vision du clairvoyant comme un trou. C'est un manque, c'est un vide. Une personne qui est suicidaire a un vide en elle-même, un vide dans sa vie. Et le seul moyen d'emplir ce vide, c'est de transmettre cette lumière. Donc, la prière, un excellent moyen, c'est un moyen mystique, c'est un moyen traditionnel pour envoyer cette lumière et remplir les trous de cette personne. Et si vous remplissez les trous, progressivement, la personne va retrouver un but à l'existence, va retrouver une jouissance de la vie, parce que la vie, c'est une chose extraordinaire. Il n'y a rien de plus beau que la vie. C'est une jouissance perpétuelle, la vie, lorsqu'on la comprend, lorsqu'on est dans le fluide de la vie, lorsqu'on est dans le circuit de la vie. Il y a plus de problème. Tout est beau lorsqu'on est dans le circuit de la vie. Alors, si vous envoyez de la lumière à cette personne, elle va entrer dans le circuit de la vie. Et progressivement, elle ne voudra plus du tout mourir. Ceux qui ont des pensées de mort, ce sont des êtres qui sont morts à tous les niveaux, qui sont tout plein de trous, et qu'il faut éventuellement ramener à ces principes de la vie, qu'il faut les vitaliser, c'est-à-dire les gaver d'esprit. Tout à l'heure, je vous ai fait une adéquation entre esprit et vie. Ça, c'est totalement exact. Alors, si vous êtes capable de manifester les pouvoirs d'esprit, l'énergie de l'esprit, vous allez leur insuffler la vie. Et ces gens-là qui étaient des morts vivants, des locumènes, vous allez leur dire « Lazare sort ». Vous allez les réveiller de cet état de mort, de cet état de léthargie, de tendance suicidaire. Et ça va devenir des gens qui sont parfaits dans le monde. Ça, on a une responsabilité, c'est sûr, autour de ça. La prière, c'est très bon. Si intellectuellement, cette personne veut la mort, c'est parce que intellectuellement, elle est troublée. Elle n'a pas un intellect dans lequel passe correctement l'énergie du mental. C'est une personne troublée sur le plan du mental. Si c'est au niveau émotionnel, c'est une personne qui est troublée au niveau du corps astral. Là, un problème, cette personne-là. Elle a une mauvaise circulation des énergies intérieures. Parce qu'une personne dont l'énergie circule bien sur le plan mental, sur le plan astral, sur le plan intérieur, sur le plan physique, une personne qui est très bien dans sa peau. C'est une personne qui fait son travail, qui sait exactement où elle va. C'est une personne qu'on appelle un contacté. Ben, les gens qui ont des déséquilibres aux différents niveaux, ben là, il faut que ceux qui sont branchés, hein, leur transmettent ce dont ils ont besoin. Et c'est ça leur rôle, c'est ça leur fonction. Est-ce que de donner l'exemple, c'est une façon d'accomplir la loi d'Amra, de faire circuler l'énergie ou de la transmettre? Moi, c'est une des meilleures méthodes d'enseignement. L'exemple est basé sur la loi de l'imitation. Hein? Et dans l'imitation, il y a toujours l'imitation. C'est une phase enfantile du travail. C'est-à-dire que l'imitation, c'est de reproduire un comportement qu'on a vu à l'extérieur. C'est simplement quelque chose, c'est vraiment la base de l'affaire. Et si vous regardez dans le développement psychologique de la personne, vous allez vous rendre compte que la phase de l'enfance, c'est une phase où on imite. Où on imite beaucoup les parents, etc. Donc, l'exemple est essentiel dans le sens où les gens qui sont au niveau de conscience, qui est celui de l'imitation, ils vont se fier sur les gestes de la personne, sur ce que la personne fait, sur ce que la personne représente. Alors là, c'est essentiel d'être capable de donner l'exemple. D'ailleurs, c'est la meilleure actuellement, au 20e siècle, c'est la meilleure méthode d'enseigner. Des gens qui enseignent, il y en a beaucoup. Des gens qui parlent plus ou moins bien, il y en a beaucoup. Mais des gens qui font ce qu'ils disent, ça, il y en a pas beaucoup. Bon, eh bien, de là vient toute cette insistance que les courants ésotériques ont mis sur l'enseignement par l'exemple. Être capable, dans sa vie de tous les jours, de faire ce que l'on a enseigné. Hein? Tout à l'heure, je vous ai dit, vider les poubelles, pas laisser de lait dans le fond des sacs, mais est-ce que, lorsque je me fais mon Ovaltine le soir, je laisse du lait dans le fond du sac? C'est ça la question. Ce que j'ai dit en conférence quand je suis à Montréal au centre d'universalité, puis ce que j'ai fait chez nous à Sherbrooke, ce que je vais faire à 1h30 quand je vais arriver à Sherbrooke ce soir, qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'il y a une correspondance? Bon, si ce que je dis n'a pas de correspondance dans le quotidien, qu'est-ce que ça donne d'abord d'avoir parlé? Bon, ça l'a dynamisé des gens à tous les niveaux peut-être, mais ça, c'est beaucoup plus fort si lorsque j'arrive chez moi, je laisse pas de lait dans le fond de la pinte, dans le fond du sac, parce que les gens qui sont dans mon milieu familial, eux, ils m'ont pas entendu ici. Eux, ils s'en foutent de la pensée ésotérique. Mais si le sac de lait est plein le lendemain matin, ça, c'est quelque chose. Ça, c'est l'exemple. Alors, ce qu'on remarque chez les ésotéristes, lorsqu'ils sont, par exemple, dans des milieux réfractaires à l'ésotérisme, c'est pas leur grande théorie, parce que ça, on veut pas en entendre parler, on se ferme les oreilles par en dedans. Mais lorsque on voit que la personne change, là, c'est un signe. C'est un signe qu'il se passe quelque chose, que la lumière est passée lorsqu'il y a la transformation de la personne. Et ça, il y a des exemples très concrets de gens qui, bon, dans des cheminements, encore le cheminement, dans leur cheminement ésotérique, à un moment donné, commencent à mettre en pratique leur connaissance. Alors, ils changent, ils se modifient. Et ils changent tellement que les gens autour se disent, oui, mais finalement, il y a peut-être quelque chose là. C'est-à-dire que la pensée ésotérique, c'est peut-être pas quelque chose de mauvais parce que non seulement ils ne font pas des messes noires, ils n'invoquent pas Satan, mais lorsqu'il y a quelqu'un qui a un problème à quelque part, il lui aide. Lorsqu'il y a un problème ici, ils sont là, ils sont comme des serviteurs dans le monde. Eh bien là, c'est par l'exemple que la personne transmet justement cette vibration qu'elle a reçue, cet enseignement qu'elle a reçu. Alors, c'est l'un des meilleurs moyens, dans cette loi d'Amra, de transmettre l'enseignement théorique que l'on a reçu en la mettant en pratique, pour que les gens qui ne sont pas au niveau de la théorie puissent, au niveau de la pratique, se rendre compte qu'il y a quelque chose qui passe. Et là, ensuite, ils pourront, jusqu'à un certain niveau, imiter. Et c'est bon, dans une première étape, d'imiter, mais après, il faut ajouter l'épigénèse, comme on le mentionnait tout à l'heure. Se pratiquer à ne penser que du bien de son prochain, est-ce que ça augmente nos vibrations? Bon, il y a un principe qui est aussi une loi, qui est une loi d'eutonie dans l'univers. C'est-à-dire que c'est la loi du diapason. Lorsque vous faites sonner un diapason à une certaine fréquence, tous les diapasons qui sont alentour et qui ont la même fréquence se mettent à résonner. Phénomène de résonance entre ce qui est semblable. De telle sorte que si, à l'intérieur de vous-même, vous avez une pensée positive. Vous engendrez des énergies positives et ces énergies positives, éventuellement, vont permettre de faire entrer en résonance toutes les énergies positives qui sont autour. Vous les attirez à vous-même comme un aimant. Ça, c'est un premier niveau. Ensuite, il y a une autre loi plus générale qui est la loi qui veut que l'homme et a une tendance à extérioriser ses représentations du monde, comme le caméléon dont on a parlé dernièrement. Alors, à chaque fois où vous avez une pensée positive, une pensée harmonieuse, eh bien, cette pensée qui est au niveau de votre mental, elle va tendre à s'extérioriser, c'est-à-dire à descendre dans vos émotions, à descendre dans votre corps physique. Et elle va extérioriser à l'extérieur ce même sentiment. De telle sorte que, si vous êtes beau dans votre tête, vous êtes beau à l'extérieur. Si vous avez l'harmonie en vous, vous avez une harmonie dans vos gestes, dans votre façon de fonctionner, etc., etc. Alors, à chaque fois où vous développez en vous un certain type d'énergie, d'une part, vous attirez les énergies de même nature à vous, Donc, vous augmentez votre potentiel d'harmonie, de beauté, de lumière. D'autre part, vous extériorisez, c'est-à-dire que votre chair se met à vibrer à cette énergie. Tout à l'heure, on a dit que la loi d'Amra, c'était ce qui nous permettait de sortir de la loi. La loi d'Amra est l'alchimie, c'est-à-dire être capable que cette chair change de taux vibratoire. Et cette chair ne peut changer de taux vibratoire que parce que l'on met en, à l'intérieur. Hein, on dit, dans le langage populaire, qu'on vaut ce qu'on mange. Madame Godet-Smet disait très souvent ça. Bon. On vaut ce qu'on mange, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire ce que l'on fait entrer en soi, en tant que matériel biologique. Ça nous constitue en tant qu'aspect charnel, en tant qu'aspect organique. Donc, ça a des répercussions sur notre émotionnel, sur notre pensée. Ça, on sait très bien, aujourd'hui, on comprend très bien les relations qui existent entre l'alimentation et les émotions et les pensées. Bon. Eh bien, de la même manière, si on a des pensées positives, ça change notre propre structure corporelle. Ça transforme notre propre structure corporelle, nos atomes. Alors, je donne toujours l'exemple de cette androchimie, de cette transmutation qui s'opère réellement lorsque vous avez des pensées positives. Regardez les saints qui ont pensé du bien des autres. Ça les a tellement transformés que leur corps, biochimiquement, a été changé. Et que leur corps, par exemple, a eu le don d'intégrité, ne s'est pas décomposé après la mort. Parce qu'il s'est développé des huiles, il s'est développé des substances chimiques qui ont été excrétées par le biologique. Parce qu'il y a eu une mutation. Bon, vous vous piquez avec de l'adrénaline, avec des choses du genre, vous allez changer vos émotions. Injectez-vous de la psilocybine, vous devenez tout à fait religieux. Mais si vous êtes religieux dans votre tête, vous développez en vous une andro-psilocybine. Alors, si vous avez des bonnes pensées face aux autres, vous développez en vous des substances chimiques qui vont vous transformer sur tous les plans, tant sur le plan physique que sur le plan éthérique, bien sûr, au niveau des émotions, au niveau des pensées, parce que si vous structurez toute votre pensée, tout votre système émotionnel sur du beau, vous allez vous transmuter, vous n'avez pas le choix. Si, comme le Max Endel, le mystique Max Endel, le disait, vous faites comme le Nazaréen qui, en marchant sur la rue, voit un chien qui est en train de se décomposer sur le bord de la rue et qui sent la décomposition qui est à 2 ou 3 jours de son décès et que les disciples disent, ben, ce chien, il est corrompu, il faut s'en éloigner, etc. Le Nazaréen dit non, pas du tout. Regardez la blancheur de ses dents. Il n'y a pas de perle plus blanche que les dents de ce chien. Eh bien, ça, c'est très important. Si vous êtes capable constamment de voir seulement le bien chez les autres, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez vous immuniser à toute forme de mal. Vous ne serez plus capable de penser le mal. Essayez de faire l'expérience. Essayez de penser des choses mal des autres. Vous allez vous rendre compte qu'à un moment donné, vous n'êtes plus capable de ne pas penser des choses mal des autres et de vous-même. C'est comme une espèce de cercle vicieux. C'est les gens, les commères, hein? Ça existe, les commères qui parlent toujours contre les autres. On en connaît beaucoup, dans nos familles, on en a toujours une couple. Eh bien, ces commères-là, ils se réunissent et leur plaisir, c'est de dire, bah, regarde une telle. Sa femme, sa fille s'est faite avorter, était amie avec telle bombe là du coin, etc. Hein? Bon, ça, il y a des tonnes de gens qui sont comme ça. Mais ces gens-là, regardez-les, sont plus capables de sortir de ce cercle-là. Et puis si dans une conversation, c'est pas ben une telle a dit ceci, puis un tel a quitté sa femme puis est allé avec l'épouse de tel, etc. Ben si ces gens-là n'ont plus ça dans leur conversation, ça va plus. Ils trouvent ça plate, ils s'ennuient, etc. Alors que les gens qui s'habituent à voir le bien en toute chose, ce sont des gens qui à un moment donné sont complètement incapables de dire des choses mal des autres. Ils sont immunisés du mal parce qu'il y a un principe très important qui dit que le mal n'existe que quand on lui donne asile en soi. Si l'idée de mal n'existe pas en nous, il n'y a pas de mal sur le plan extérieur. C'est toujours une question de vision. L'alchimie nouvelle, c'est d'être capable de tirer, c'est d'être capable de tirer des choses une essence nouvelle. Hein, c'est d'être capable de voir les choses d'une manière différente. C'est nous qui transformons les choses. S'il y a eu la chute dont on parle, c'est parce qu'on a commencé à voir les choses d'une certaine manière. S'il y aura la rédemption un jour, c'est parce qu'on verra les choses d'une certaine manière. Le pouvoir créateur de nous-mêmes est très important. Rudolf Steiner disait ceci, le grand docteur Steiner, occultiste, disait ceci, « Nous ne devons pas regarder l'univers comme un spectacle, nous devons co-collaborer à la création. » Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à chaque fois où on a une pensée quelconque, à chaque fois où on regarde les choses d'une manière positive, on est co-créateur de cet univers. Et là, je vous dis ça d'une façon très profonde. J'en ai déjà parlé à d'autres moments. Mais là, je vous le dis d'une façon très sérieuse. Dans la mesure où vous regardez les choses d'une certaine manière, vous les créez de cette manière-là. Dans la mesure où vous décidez qu'une chose est cette chose-là, vous êtes co-créateur de l'univers. Ça veut dire qu'à chaque fois où vous voyez le mal à quelque part, le mal n'y était pas, mais vous venez de le générer. Et à chaque fois où vous voyez le bien à quelque part, le bien n'y était pas, mais vous venez de le générer. Lorsque la lumière est à quelque part, c'est parce que vous avez vu la lumière. C'est parce que vous avez consenti à ce que la lumière soit là. C'est pourquoi on a tant insisté, le mystique Max Lindell a tant insisté sur l'idée que le mal n'existait que quand on lui donnait asile en soi. Le mal, il n'existe pas autrement que vous, lorsque vous le créez. Alors, nous sommes les co-créateurs de l'univers, c'est une responsabilité extraordinaire, c'est une fonction extraordinaire. Ça veut dire qu'à chaque fois où on prend de l'énergie qui nous vient des espaces célestes lumineux et qu'on en fait des pensées négatives et qu'on en fait de la calomnie vers des gens, là, on utilise la loi d'Amra, mais la transformation que l'on fait, elle est négative. Et cette transformation négative amène ce qu'on appelle la loi du karma. C'est là que se situe la loi du karma. C'est lorsque, dans notre processus de loi d'Amra, on transforme, mais négativement, cette énergie. Plutôt que de la faire vivre le revoltage, on la dévolte encore davantage. On la dévolte au point où elle devient une pure masse noirâtre. Une pure densité là qui apparaît comme ça dans le monde. Une création de ce qu'on appelle le mal. Alors, le mal, c'est l'homme qui l'a créé. Et je ne suis pas le premier à le dire. L'auteur de la Genèse l'a dit en disant « À cause de toi, homme, la terre produira des ronces et des épines. » C'est ça qu'a dit l'auteur de la Genèse. On n'a pas compris ça, on est passé à côté peut-être. Hein? C'est très sérieux. C'est l'homme qui a créé le mal. C'est l'homme qui a généré la négativité. C'est l'homme qui a généré l'état de chômage qu'on vit actuellement, toute la médiocrité qu'on vit actuellement. Et c'est à lui de la transmuter maintenant. Et là, une fonction très, très, très importante. Alors, si la Terre, elle produit des ronces à cause de l'homme, eh bien, demain, elle produira des roses à cause de l'homme aussi. Et c'est les jardiniers de cette Terre qui doivent prendre les choses en main, parce qu'ils sont co-créateurs de l'univers. On vous demande vos commentaires sur cette phrase. Une parole dite, vous en êtes l'esclave. Une parole retenue, vous en êtes le maître. Bon, la question de la parole est importante, mais la relation maître-esclave est aussi très importante. C'est une autre loi. D'ailleurs, j'avais prévu faire une conférence sur la loi de maître-esclave, mais pour le moment, on ne la fera pas. Voici ce qui en est. Lorsque l'énergie que l'on a au niveau de la parole, on l'émet vers l'extérieur, c'est-à-dire lorsque on transmet quelque chose à quelqu'un, hein, on devient esclave de cette chose, dans le sens où on en prend totalement les responsabilités. Lorsque une chose est interne, c'est-à-dire lorsque on a un sentiment interne et qu'on ne l'envoie pas vers l'extérieur, lorsqu'on travaille sur nous-mêmes, ça, on est maître de ce que l'on fait. Mais lorsque l'on transmet quelque chose à quelqu'un, hein, et que cette personne l'utilise après, on est responsable de son utilisation. Et dans l'ésotérisme, c'est pourquoi les instructeurs sont beaucoup plus portés vers le se taire. Parce que les instructeurs savent très bien que lorsqu'ils transmettent des clés à des gens, ils sont responsables, ils deviennent esclaves, si on veut, mais ils deviennent sous la loi du karma. Dans le sens où les personnes qui vont recevoir cet enseignement, qui vont partir chez eux et qui vont baser leur vie sur ces choses et qui vont faire certains actes, c'est l'instructeur qui a transmis l'énergie originale qui est responsable de ça. C'est ça la relation du maître et de l'esclave. C'est-à-dire que celui qui a les énergies en lui, ça va, il fait un travail sur lui. Du moment qu'il commence à faire un travail sur le monde, ça lui échappe. Parce que il y a des facteurs extérieurs à sa propre personnalité. Il y a tout ce qui est autour. Et ce que l'entourage va faire de l'énergie qu'il reçoit, il en est responsable. Ça, c'est très important. C'est pourquoi l'éducation est très importante. C'est pourquoi les parents sont responsables de ce que les enfants font. Même s'ils disent, mon Dieu, je l'ai pas élevé comme ça. Ouais, je l'ai pas élevé comme ça. Je lui ai transmis une énergie et on a fait ça, cette énergie. Maintenant, tu es responsable de ça. Tu en as mis quelqu'un sur, tu as incarné un esprit sur la terre. Cet esprit sur la terre, il a fait certaines choses. Tu es responsable. Tu es responsable parce que tu es la voie par laquelle il est venu. C'est comme les gens qui font du spiritisme ou qui font de la magie noire et qui viennent des entités négatives sur les plans visibles et qui font des ravages. Tu dis, mon Dieu, c'est pas ça que j'avais voulu faire. Je voulais rentrer en contact avec le Christ. Oui, t'as voulu rentrer en contact avec le Christ, mais t'as amené Ahriman sur Terre. Alors, occupe-toi-en maintenant d'Ahriman. T'es responsable de ça. Alors, c'est ça. La parole est très dangereuse. Je vous invite à relire l'épître où on en parle dans le Nouveau Testament. Lisez tous les épîtres, vous allez le trouver. Je pourrais pas vous donner les références exactes. Et vous allez voir, il y a tout un chapitre sur la parole, tout un chapitre sur la langue. C'est essentiel. Vous allez tout comprendre cette phrase-là en lisant ce texte. Hein? Vous allez voir d'une façon très, très précise, d'une façon très, très exacte, comment justement cette parole est ce qui, sur la planète Terre, est évidemment ce qui est le plus important, mais surtout ce qui engendre des causes très, très, très importantes. Très, très important. C'est pourquoi une personne peut, par la parole, détruire des choses. C'est pourquoi il y a des questions auxquelles on tourne autour puis qu'on ne donne pas de réponse. Parce que il y a certaines réponses à certaines questions qui déséquilibrent les gens, qui les débalancent trop vite. Il faut débalancer, mais doucement. Il faut faire la transformation doucement. Si on arrive puis on garoche quelque chose, c'est très dangereux. Et le conférencier peut en être plus ou moins conscient, mais les gens qui reçoivent le choc, les gens qui sont tout débalancés dans leur psychologie, ben ce sont des gens qui souffrent, ce sont des gens qui peuvent commettre des gestes disharmoniques après. Et c'est le conférencier qui en est responsable. Alors, au départ, il y a une co-responsabilité parce que les gens qui sont allés vers ce conférencier-là. C'est leur problème, c'est toujours dangereux d'aller écouter quelqu'un. Bon. Alors, c'est une part de leur problème, mais celui qui parle aussi une responsabilité. C'est pour ça que les maîtres se taisent. C'est très important de comprendre ça. On se dit pourquoi les gourous sont si... Ben, enfin, dans l'Orient, c'était surtout ça aujourd'hui, c'est plus comme ça tellement. Mais pourquoi les gourous étaient si réservés? Pourquoi ils mettaient 50 degrés avant d'arriver à un secret de polichinelle? C'est parce qu'ils avaient peur. Ils avaient peur de transmettre l'enseignement parce qu'ils savaient qu'après ça, ils en étaient esclaves dans le sens où tout ce que les gens en feraient, ils en seraient responsables karmiquement. Alors ça, c'est une responsabilité de l'instructeur, c'est une responsabilité de tous ceux qui parlent, c'est une responsabilité de vous quand vous parlez à votre enfant, quand vous parlez à votre tante, lorsque vous parlez à votre mari. Bon, vous avez une responsabilité. Ce que vous allez lui dire, qu'est-ce qu'il va en faire votre mari? Alors, c'est ça qui est très, c'est très important. Regardez les problèmes de couple. On a parlé de ça toute la semaine dernière. Regardez les problèmes de couple. C'est que une personne dit quelque chose, l'autre comprend pas. On comprend mal. Il prend mal. Bon, c'est ça le problème. Mais est-ce que c'est de la faute seulement de celui qui l'a pris? Pas du tout. C'est celui qui a parlé n'était pas intelligent. Celui qui a parlé n'a pas été capable de s'exprimer correctement pour que l'autre ne prenne pas mal. Donc, il est aussi responsable et il est aussi esclave de sa parole qu'il a dite puis qu'il a jeté le chaos dans le couple. Alors, lorsqu'on parle à sa femme ou à son mari, il faut faire attention. C'est engageant. Lorsqu'on parle à ses enfants, d'une façon encore plus évidente, parce que l'esprit n'est pas encore totalement maître des véhicules. Lorsqu'on parle à des gens à l'entour, à des amis aussi. Si vous dites quelque chose à un ami, vous dites l'aider son pipé, etc., etc., tout à l'heure, hein, puis que votre ami, lui, il est pas prêt à entendre ça, vous allez tout le débalancer. Il va se dire, oui, c'est seulement un jeu, je suis une ombre évanescente, de toute façon, tout s'en va vers la lumière, etc. Il peut tout être déséquilibré. Moi, j'ai connu l'expérience du déséquilibre profond, hein, dans mes années d'adolescence, lorsque j'étais au séminaire de Saint-Bruno, j'ai connu ces expériences de déséquilibre très profond, et je me suis dit, ben voilà, je suis assis sur un fauteuil, mais le fauteuil n'existe pas. C'est débile de dire qu'on est assis sur un fauteuil, le fauteuil n'existe pas. C'est vrai que le fauteuil n'existe pas. Mais là, vous êtes assis dessus. Bon, alors, c'est pas la peine de dire, le fauteuil n'existe pas. Si je veux, je peux passer ma main à travers la table. Bon, oui, vous pouvez passer votre main à travers la table. Mais là, la table, elle est là. Si vous passez votre main à travers la table, si en mettant votre verre de café passe à travers, ben, la table, elle sert à rien. Alors, il faut être capable aussi de voir ses limites vibratoires. Faut pas essayer d'imposer des expériences de déséquilibre, des expériences de changement de degré de conscience à des gens, parce que ces gens-là, lorsqu'ils sont pas préparés, ils vivent des choses absolument atroces. Alors, ou bien ils prennent en rien, hein, parce qu'on a ri beaucoup de moi, hein, quand je me suis mis à parler de ces choses-là. Hein. Mais ça peut faire aussi beaucoup de mal, parce qu'il y a des gens qui sont sensibles. Il y a des gens qui vont se dire, bah, il dit des bêtises, ça a pas d'allure. Mais dans leur subconscient, c'est enregistré. 10 ans après, ils se disent, Ils ont ce sentiment de nihilisme. Hein? Il y a rien qui existe. Bon, je suis Dieu. De toute façon, que je le fasse ou pas, je m'en vais vers la lumière. De toute façon, il y a pas personne qui est perdu dans l'univers. Donc, je m'en vais vers la lumière. Bon, bah, actuellement, je peux faire n'importe quoi. Ça changera rien. Vous voyez le type de raisonnement. Hein? Ce sont des raisonnements très, très, très dangereux. C'est pourquoi la philosophie, faut pas la pousser trop loin. C'est pourquoi il vaut mieux s'asseoir puis faire du bel ésotérisme traditionnel. C'est ça que je fais habituellement. Parce que dans le bel ésotérisme traditionnel, vous risquez pas d'être déboussolé. Mais si vous voulez vous conscientiser, etc., là, bon, il y a des dangers. Je vous dis pas qu'il faut pas le faire. Faut le faire, c'est sûr. Mais faut le doser correctement. Et ça, il y a des gens qui dosent, il y a des gens qui dosent pas. Alors, dans ces conceptualisations, la semaine prochaine, on va voir la loi de la polarité. Bon, c'est dans ces années de jeunesse, j'ose dire, dans ma jeunesse, que j'ai conscientisé cette loi de la polarité. Ben, on va voir qu'est-ce que c'est que cette loi de la polarité, qu'est-ce que c'est cette loi du mensonge. Vous allez vous rendre compte que si vous l'appliquez dans votre vie de tous les jours, vous allez vous déboussoler. Ça va pas. C'est vrai. Ça fait partie des plans de l'esprit. Ce sont des choses qu'on doit réaliser intellectuellement. Mais si on veut mettre ça comme ça à toutes les sauces, on crée des déséquilibres absolument épouvantables. C'est pourquoi il y a le mensonge. Hein? C'est pourquoi il faut se maintenir dans certaines choses, dans certaines limites, aller dans ça, bien assimiler ces limites. Ensuite, on peut franchir une toute petite étape, pas trop rapidement. Moi, je suis un être étapiste. Pour moi, c'est les étapes. Pour moi, c'est les étapes, c'est les degrés. Hein? Et vous regarderez tout ce que je fais en ésotérisme, les séminaires, ça a des degrés, des degrés, des degrés. Pour moi, c'est les degrés. Parce que une personne qui est au degré 1, elle n'est pas au degré 5. Vous pouvez pas, c'est faux, dire à une personne qui est au degré 1 ce que vous auriez dit à une personne qui est au degré 5, vous allez la faire capoter. Ça, c'est très dangereux. Et c'est là que la parole est dangereuse. Et c'est là que l'homme est esclave de sa parole qu'il a dite. Parce que la parole, une fois qu'elle est dite, eh bien, elle continue. Elle continue dans la tête de tous ceux qui l'ont comprise. Elle fait un travail, elle transforme cet individu et peut l'amener vers la lumière ou vers des états psychologiques morbides, qui sont des états de déséquilibre dans la vie, en rapport avec l'ésotérisme, en rapport avec ces philosophies, qui sont transcendantes parfois, trop transcendantes parfois. Bon, les dés sont pas pipés, oubliez ça, cette affaire-là, hein. Dans le temps comme dans le temps. Vous dites que les lois viennent du cosmos, ok, mais elles sont changées par l'homme. Malheureusement, je dirais que l'homme les change pour son confort et ses propres intérêts. C'est sûr que bon, les lois sont pas changées par l'homme, mais les lois sont interprétées par l'homme. C'est-à-dire que on interprète habituellement les lois à notre propre faveur, si on est dans la personnalité. Alors on se dit bon, la loi d'Amra, c'est que quand on donne, on reçoit. Bon, ben c'est de faire comme tantôt, dire. Prenons l'exemple du conférencier, c'est plus simple. Conférencier donne une conférence, ben il s'attend que les gens vont lui donner. Bon, là, c'est une façon d'arranger la loi d'Amra. Une façon d'arranger la loi d'Amra pour remplir les paniers de 20 piastres dans le fond de la salle. Ça se fait, c'est possible. C'est une interprétation qu'on fait. Faut faire attention. Les lois, elles sont là, elles sont justes, elles amènent à la justice. L'homme peut les interpréter. L'homme peut les mettre à son profit. Ça, c'est sûr. Et c'est de même dans toutes les choses. La loi du karma, c'est la même chose. Vous pouvez dire des gens en Éthiopie qui crèvent de faim, vous pouvez dire, bah, c'est leur karma. Hein? Ça vous donne toute une bonne raison pour rien faire pour eux. Hein? Vous avez quelqu'un de malade ou un mendiant sur la rue, vous dites c'est son karma. Vous avez plus de problème, vous. C'est son karma. Ça, c'est une façon d'arranger la loi à sa façon. C'est une façon, ça transforme pas la loi parce que la loi elle est toujours la même, mais vous l'interprétez psychologiquement d'une façon tellement différente que ça devient tout à fait différent. Parce que dans le karma, c'est pas ça du tout. S'il y a quelqu'un qui subit un karma et que vous avez à côté une énergie qui pourrait lui convenir, c'est votre karma, vous, de lui donner cette énergie. Si vous ne lui donnez pas, vous trouvez des raisons pour vous dissocier. Alors, l'homme ne change pas les lois sur le plan ésotérique, mais l'homme crée des lois sociales. Et là, il fait des erreurs. Lorsque l'homme s'élève en législateur, il fait des erreurs. C'est pourquoi en ésotérisme, on n'enseigne pas à faire des lois. En ésotérisme, on enseigne à obéir aux lois. C'est tout ce que l'homme a à faire. L'homme n'est pas un législateur. L'homme n'a pas la connaissance et le degré de conscience suffisant pour faire des lois. Il n'est pas capable de faire des lois. Tout ce qu'il peut faire, c'est imiter. Hein? Il y a certaines lois qui sont bonnes. Le droit criminel, sous plusieurs aspects, est bon parce qu'il est une imitation de la loi de la négation. de la double négation, dont on parlera plus tard dans notre mois. On peut pas tout dire ce soir sur les lois, mais on reparlera de cette loi et on verra que le système criminel, la pénalité criminelle aujourd'hui, c'est une imitation humaine de cette loi de la négativité. C'est très bon, c'est très bien fait. Mais ça veut pas dire que toutes les lois sont bonnes. Ça veut pas dire qu'à chaque fois que l'homme émet une législation quelconque, c'est en conformité avec les lois de la lumière. C'est pourquoi l'ésotériste doit apprendre les lois cosmiques, divines ou naturelles, et ensuite les appliquer dans sa vie. Et en faire, à la limite, des adaptations pour ses situations sociales, ses situations religieuses, ses situations politiques, etc. Ça, c'est le travail de l'homme. Mais l'homme qui veut s'élever en législateur, c'est très négatif. C'est pourquoi je vous référerai une dernière fois au Nazaréen. Le Nazaréen avait dit, la seule chose que je ne veux pas que vous fassiez, c'est de juger. Ah, voilà. Alors, on n'est pas des juges. On n'est pas non plus des législateurs. Ce n'est pas à nous de trancher face à un individu, etc. Nous avons à vivre cette loi, à nous harmoniser à cette loi et à aider les autres à s'harmoniser à ces lois. C'est tout ce qu'on a à faire. Les questions de vouloir faire la loi, ça, c'est autre chose. Bon, il y en a, tout à l'heure, on a voulu parler, j'ai esquissé un peu, on a voulu parler de toute la tradition des mythes prométhéens. Il y a des êtres qui ont même une fonction d'aller au-delà de certaines lois. C'est-à-dire que lorsqu'il y a une transition entre deux époques, en deux degrés de conscience. Il y a des êtres qui sont ceux qu'on appelle les pionniers et qui vont vers des lois nouvelles, qui vont vers les lois nouvelles d'une conscience nouvelle et qui les amènent. Ils amènent, on symbolise ça par le feu créateur. Ils amènent le feu des hautes sphères célestes, ils l'amènent sur le bas. C'est ce que Prométhée a fait, il a volé le feu aux dieux. Eh bien, il y a un temps pour faire ça. Mais autrement, on se rend aux dieux, justement. C'est-à-dire que si on veut aller trop vite, si on veut court-circuiter certaines lois, on devient dans le flux de l'énergie négative et on fait un travail qui est tout à fait négatif, qui est celui de certaines entités de l'Agartha qui ont voulu émettre leur propre loi, faire leur propre loi sur la Terre. Et c'est contre ces lois qu'on doit lutter. Et c'est à ce niveau-là que l'on doit combattre certaines formes d'archontes, certaines formes de démiurges, mais qui sont négatifs dans le sens où ils ont eux-mêmes voulu créer leur système de loi en dehors du plan de la divinité, en dehors du gouvernement solaire, du gouvernement de tout système solaire, qui est le gouvernement de Shambhala, qui est le gouvernement de la lumière, qui est le gouvernement de l'évolution. Donc, les lois, elles peuvent être transformées par l'homme. Et si, lorsque l'homme fait des lois par lui-même, ce sont des lois qui sont plus ou moins en disharmonie avec la tradition primordiale, avec l'énergie légale qui nous a été léguée par notre propre esprit, par notre origine qui est une origine céleste. Raphaël, rapidement, la dernière semaine du mois de septembre va être très chargée. Samedi, un séminaire sur la magie blanche, introduction à la talismanie. Petit commentaire là-dessus? Oui, c'est que on verra les grandes règles de la talismanie. Justement, comment constituer un talisman? Vous savez, vous pouvez aller dans les librairies ésotériques chez Pierre Bélanger,